Je regarde ses AA bosser. Et nous combo kilomètre des musiques et puis des textes plutôt pas mal agencés. Et puis le tout en bobé d'embé d'un tour. C'est du cutter méchanti riff accrocheur. De quoi c'est sûr bien plaire à tout un tas d'auditeurs. Je ne sais pas où tout cela finira. Par nous conduire vers un mur ou un bien et d'un. Qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant encore, je veux qu'on est bon. À tout va, je cherche et faille où le bien. Et j'emmène ces petits neurones électroniques vers un avenir étrange. Et je suis pas tout seul dans cette course effrénée aux résultats incertains. J'emmène ces petits nouveaux électroniques vers la marmite de France. Je suis pas tout seul dans cette ouf, c'est fait flé mauvais, je t'en sais.